Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et vous écoutez Pod Modernisme, le 56e épisode. C'était Downtown Breakdown de Greg Cocaine qui a débuté ce 56e épisode, qui en sera un local. Pour ceux qui suivent le blog et la balado, je m'excuse du petit retard. Comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai été au festival South by Southwest et avec Bang Bang, on a tourné plusieurs vidéos là-dessus. Alors, je m'attarde sur des histoires de montage et d'avoir un vieil ordinateur qui n'est pas capable de rivaliser avec la technologie DV d'aujourd'hui. Alors, beaucoup de raccourcis à prendre pour que ça fonctionne. Mais on va en venir à bout et on va continuer à faire aussi la balado-diffusion. Et ça va accélérer une fois qu'on aura fini de passer tout notre matériel vidéo pris au Texas. On va poursuivre dans la même veine que Greg Cocaine. On va poursuivre avec un petit peu de rock. On va avoir entre autres du Géraldine avec la pièce Carl et Récudon. On va aussi avoir du Tuxedo Girls, mais avant, Pop Culture de Creature. We'll be right back.

another language like a gang and gang and go. Gang and gang and gang and go. Gang and gang and gang and go. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. I'm looking for, I'm looking for, I'm looking for, I'm looking for. Love the Puerto Ricans, Dominicans, they manage. Make a black chick blush, where's my manners? Well, I can manage them striped pajamas and all them bananas. They popping out, they popping out. Excuse me, mister, how do you say? I wanna dirty dance with the man from your Uruguay. Excuse me, mister, how do you say? I wanna dance with the man from your Uruguay. Dance with the man from dance. I'm looking for dance. Send me amo, si, no hablo español. Get you dancing in your pants. Well, that's all I know. Make you speak another language like a gang and go. I can gang and go. I can gang and go. Say I love the Puerto Ricans, Dominicans. They manage. Make a black chick blush. Well, where's my manners? Yeah, I can't manage. No, I can't manage them striped pajamas and all them bananas. Yeah, yeah, excuse me, mister, how you say? I want a dirty dance to do some yoga quick, quick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They're coming out. They're coming out. We'll be right back. Vas-y. Vas-y. Ha. J'ai entendu que t'es G au micro. J'ai entendu que t'es G au micro. Bill 20 deep. On love SF, même t'es dit nous nos choses, c'est Bruno. Pas fait ça, monsieur. Vous parlez de monsieur depuis plus que deux ans. C'est pas bien. Non. Yeah. Fais ses bips sous le microphone. Je sais que mon track, ils vont dire que je te publie si tu stuns. Et tu t'es dit que t'es fake sur DVD. T'es là, pis sur toi tu voulais pisser. Dans la salle avec ton frère, tu parlais trop shit. T'as shoot, t'as même pas vu le 9 mm full clip. Yep, on était deep, tout comme 20 deep. Mais un vrai G beef, même s'il est pas 20 deep. J'suis pas avec Double Shot, moi mon nom c'est Seul. Si tu vois, baisse ta tête et ferme ta gueule. On s'est croisé, t'as essayé de faire un move brigand. Mais dans ton propre squad, ils t'ont donné mon vrai nom. Ou mettre ma dé, y'a que dans tout seul, soyez enragé. Mandez maman, l'icadou, que c'est diable qu'on poussait. Et que le pape, je me reculais devant aucun facirole. S'il y a du bif, donne-moi mon gun et un peu d'alcool. J't'ai donné 16 bars, j'ai fini de parler. Tiens, mon pauvre, c'est distant. En plus, moi, j'vais te le signer. Seul, yeah. Yep, voilà. Shit, vos fucking changer. Seul, yep. Incredible Inc. I see you, son. N'est pas mieux. I see you. Huh. I got the same shit. La base que ferme le son dans le sol. Et j'ai du sang dans le sol. Yep. Buzzy. J'attends la réplique avec impatience. Snag, Babli et Opam. Ha. Dans vos chats. Nous même tout, monsieur. Ha. Marchez. Oui, Mike le Killer. What? Mais tu peux tout simplement nous appeler Master. Combien de caisses m'a rendu comme des family asters? L'heure des conseillers de Sony. Avant de Sony, une petite affaire qu'on n'a pas encore mentionné. C'est qu'à date, y'a personne qui s'en est jamais sorti. La situation risque pas de se renverser. Comme c'est parti. Pousse pas d'alors, c'est pas quelqu'un de nos Shylock. Parce qu'on est plus valable que The Range Crew. On peut pas me parler au mieux, pas de Jim Blue. Tu peux venir dans le fleuve avec au pied plein de bleu. Tu peux te ramasser à marcher de rien avant ma chaîne. La même matin d'avant peut se retrouver à marcher. Des crackheads comme nous autres, ils s'en fait plus. Ça fait que j'étais méchant, recommence ton but. Par des morts, ils n'en jouent plus. On lève de boss, ils n'en jouent dessus. Par des morts, ils n'en jouent plus. On lève de boss, ils n'en jouent dessus. Par des morts, ils n'en jouent plus. On lève de boss, ils n'en jouent dessus. Par des morts, ils n'en jouent plus. On lève de boss, ils n'en jouent dessus. Le barman trouvé m'en va chez eux, nous autres. Un gros merci, coupe à ton son, nous autres. Le GG Grog, ça se répand, juste nous autres. Et le sang du casse-mort, qu'une balle dans ta tête, c'est le vôtre. La danse en titane dans la porte est disparue, juste nous autres. La voiture piégée qui explose en pleine rue, juste nous autres. Qui se fait rester vivant, le porte en commerce. Les mille pieds des doubles, avoir les bonnes couleurs, c'est ton côte. Le métier soir à gage, c'est ça qu'on l'a appris. Avec nos années de loyaux service, on a tout compris. Sport, ça se pense, on veut que Gun s'attende. Quelqu'une chaise sonne en face, de faute une autre qui vient tout droit en avant. On peut juste battre. C'est pas du fun. On a la bien grave. Ça arrive qu'on déconne. On t'attache tout nu, après des poteaux de buis. On pêche des pommes dessus, jusqu'à ta que t'as mouru. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Par des morts, sinon j'joue plus. Enlève tes bras, sinon j'te retire dessus. Enlève ton bras sinon j'te refais dessus. Enlève ton bras sinon j'te refais dessus. J'te refais dessus. Enlève ton bras sinon j'te refais dessus. Enlève ton bras sinon j'te refais dessus. Enlève tes pas, sinon je t'en sais dessus. Je t'en sais dessus. Don't have to listen to me. I ain't weird. And for you so they can keep on making it nice. I ain't weird. And for you cause I don't try to adjust. The way it comes out of me is the way I give it to you. I ain't weird. And for you so you don't have to listen to me. I ain't weird. And for you so they can keep on making it nice. I ain't weird. And for you cause I don't try to adjust. The way it comes out of me is the way I give it to you. I ain't weird. You will never understand. You will never understand. Them chain t-shirts are like tie-dye to the revolution. Let's water down our ideas so we can all agree on one solution. Let's all jump in the sack with our business partners and daughters. Convince our kids to eat shit and baptize them in salty waters. Let's throw gold at crooks and watch how it looks when they're rich. Let's all fucking lie to ourselves. It's cannibals with cannonballs. The waterfalls have run bloody. I work in the dirt all day, so it's only right that my material is money. I'm a homemade gingerbread crucifix carved out of introspection and isolation, coupled with the fact that my rap has led me to this conversation. Adds up to the reason why I still remain broken, starving. I'm a so-called artist who's only good at one thing. The rest is big business. And for you, so you don't have to listen to me. And for you, so they can keep on making it nice. And for you, cause I don't try to adjust the way. The way I give it to you, I'm a weird. C'était I Make Weird de Bluebird. Un peu avant, on avait Pow Pow T'es Mort de Gatineau. Publicity Stunt de Seul du collectif Incredible Pack était un peu avant Gatineau. Et on a débuté avec Suenas Dulces de Thunder Iced. C'est déjà tout pour moi et cette édition 56 de Pod Modernisme. Revenez-nous dans quelques jours pour une édition plus internationale. On va se laisser avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir entre autres du Roi Crayola. C'est un projet d'un des membres de Greg Cocaine, la formation qui a débuté cette balado. Ça va être la pièce I Love My Mom. On va aussi avoir une chanson d'un groupe qui va être en concert le 13 avril prochain à Chicoutimi, c'est Alf Bake et la pièce Laser Gun. Un peu avant, ma tante Frac et tous ses petits amis avec la pièce Plus fort que la mort. Mais avant, une pièce du DJ montréalais A-Track en compagnie de TTC, c'est la pièce Quitte la piste. À bientôt tout le monde! Quand on débarque dans les surprises parties, tous les mecs sont jaloux et toutes les filles s'agitent. On a les pas de danse et les acrobaties faciles. T'as pas tes vitamines, quitte la piste. Quand on débarque dans les surprises parties, petit peigne dans la poche, ripastine. Tête de mort, brodée au dos du teddy. On donne une leçon de vie et soudain tout est dit. J'ai ramené un cadeau pour ta fête, plus un gâteau café. Ma mère, j'avais que tu voulais des baskets. C'est celles qui vont le plus vite sur terre. C'est ton ami, t'es mon ami. Joyeux anniversaire. C'est ton ami, fais ton kite. Mêlé, vas-y, fais des pas. De danser, danse avec moi. Style de tueur et sûr de toi. Blouson en cuir noir. Trop bad sur la piste. Gants blancs sans tampon sur la piste. TTC et A-Track sont les plus beaux sur la piste. Quand on débarque dans les surprises parties, tous les mecs sont jeunes. pas des vitamines, quitte la piste. Quand on débarque dans les surprises parties, petit peigne dans la poche, Rital style, tête de mort, bronné au dos du teddy. On donne une leçon de vie et soudain tout est dit. J'attire des foules et séduis des publics. J'arrive en groupe, mets de la bonne musique. Paye mon rythme, Tid Oberman. C'est un bon coup, c'est un vrai choc. Dans les surprises parties, on piffe, on beat. Tu réalises qu'il y a du style, c'est TTC. Ambiance, dans la soirée, elle danse, elle chante, c'est bon. Sourire aux lèvres, communicatif, c'est grand, c'est la joie de vivre. Ça détend, joue au pipe. Tu comprends, elles adorent ça. J'suis courtois et plutôt court. Elles se découvrent en ce jour de fête, c'est cool. Pin-up et belle minette, c'est tout. Quand on débarque dans les surprises parties, tous les mecs sont jaloux et toutes les filles s'agitent. On a les pas de danse et les acrobaties faciles. T'as pas tes vitamines, quitte la piste. Quand on débarque dans les surprises parties, petit peigne dans la poche, Rital style, tête de mort, bronné au dos du teddy. On donne une leçon de vie et soudain tout est dit. Et si t'es pas mal, genre. Aïe, aïe, y'a-tu ta crème? Mais t'as-tu ça de la crème? I've got only one quarter, and I'm gonna call my mother, and I'm gonna ask her to pick me up. I'm sorry, sir. I'm gonna leave you, sir. I'm gonna leave you, Ken, so your time is up. Nowadays, everyone wants to see their face on the first page, at the first place. But there is not a lot of people willing to run the race to keep a steady place, a steady pace. So nowadays, everyone wants to see their face at the first page, at the first place. But there is not a lot of people willing to run the race to keep a steady pace, a steady pace. So nowadays. My brother's crazy, my mother's dead, my father hates me. It's a mess in here, I'm out of time. Would you like to sleep with me tonight? I'm tired of all these things I live these days. Wish I'd got to save my friends are dead for me. I'm tired of all these things I live these days. Wish I'd got to save my friends are dead for me. It's love I know. It's love I know. My friends are dead for me.